docteur, docteur, laisse-moi sortir. Ou dépêche-toi de me faire une piqûre pour m'endormir. Oh docteur, tu comates, faut te réveiller. T'es sous Prozac ou quoi? Qu'est-ce qui te fait bégayer? Tu baves, t'as pris trop de somnifères au dessert. Moi je tourne à 10 joints par jour, j'ai toujours les idées claires. Pendant que les flics serrent les dealers d'héros, l'industrie pharmaceutique prend le fric des toxicos. Ils veulent te rendre accro aux anxiolytiques pour te garder au chaud dans leur camisole chimique. Tout pour que t'évites de gamberger. Ils ont plus besoin de barreaux pour t'enfermer. Ils te donnent ce qu'il faut pour supporter cette vie de chien. Et t'as plus besoin de rien d'autre pour te sentir bien. Laissez-moi dans mon délire, laissez-moi partir loin. Si tout est encore flou, c'est que je suis encore sous anesthésie générale. Pour que tout reste calme dans nos prisons cérébrales. On trouve toutes sortes de calme. Interdit tout légal. Docteur, docteur, qu'est-ce que je fais? Quand l'alcool et la weed ne me font plus aucun effet. Donne-moi ce qu'il faut pour que je pionce comme un bébé. Bercé par la défonce et le son de la télé. La télé, gamin, c'est elle qui nous éduque. Vaut mieux que tes parents fassent du fric si tu veux faire des études. On te demande pas ton avis, t'as pas choisi ton camp. On te prend, on te jette, on t'achète, on te vend. On te berne, on te ment, le temps soigne les blessures. Fais-moi une figure, je m'endors trop lentement. On peut s'en sortir, c'est ce qu'ils nous laissent croire. Car ils savent comment se comporte une foule qui a perdu tout espoir. Ce système formate nos pensées, nos mémoires. Comment les croire? Ils n'ont raconté que la moitié de l'histoire. Chaque jour je me débrouille, j'avance dans le brouillard. Et même si je tiens le coup, ils me maintiennent sous anesthésie générale. Pour que tout reste calme dans nos prisons cérébrales. On trouve toutes sortes de calme. Interdit tout légal. En doute calme, ils nous maintiennent au calme. Dans nos prisons cérébrales, lobotomie générale. Devant un spectacle inhumain, on fait comme si c'était normal. Ici, l'hypocrisie, c'est le sport national. Les disciples du diable viennent faire des leçons de morale. Pour que personne ne différencie plus le bien du mal. Traite-moi de cas social, envoie les infirmiers. Tu peux m'interner fou, je dors à point fermé. Sous anesthésie générale. Pour que tout reste calme. Dans nos prisons cérébrales. On trouve toutes sortes de cas. Interdit tout légal, elle travaille mon mental. Anesthésie générale, sous anesthésie générale.